20 ans, 28 vents de façaille. C'est beau, mais c'est violent. On sourit au soleil, mais l'orage reste collant. On veut tout vivre, tout comprendre, tout saisir. Mais le monde change trop vite, parfois on sait plus quoi choisir. On se cache derrière l'humour pour éviter le vertige. On veut être fort, mais nos cœurs prennent tous les litiges. On rêve de liberté, mais la peur nous tire au sol. On veut voler, mais on apprend encore nos rôles. On perd nos forces à se demander si on fait assez. On avance quand même, même quand le ciel veut nous casser. 20 ans sous orage, mais on garde le cap. On glisse parfois, mais on reprend le pas. 20 ans sous orage, mais on tient le coup. On grandit vite, même quand la pluie nous met à genoux. 20 ans sous orage, mais on garde le cap. On glisse parfois, mais on reprend le pas. 20 ans sous orage, mais on tient le coup. On grandit vite, même quand la pluie nous met à genoux. On parle l'avenir, mais l'horizon répond flou. On cherche nos places, même quand y'en a pas pour nous. On fait des erreurs, on construit comme on peut. On apprend chaque jour à affronter ce qu'on veut. On garde l'espoir dans nos poches déchirées. On masque nos peurs dans des sourires maîtrisés. On se dit que la vie c'est ça, tomber, se relever. 20 ans sous orage mais jamais immobilisé. 20 ans sous orage mais on garde le cap. On glisse parfois mais on reprend le pas. 20 ans sous orage mais on tient le coup. On grandit vite même quand la pluie nous met à genoux. 20 ans sous orage, mais on garde le cap. On glisse parfois, mais on reprend le pas. 20 ans sous orage, mais on tient le coup. On grandit vite, même quand la pluie nous met à genoux. On regarde l'avenir, même s'il fait peur parfois. 20 ans sous orage, et pourtant on garde la foi.